Eh bien, Seigneur Valère, eh bien, Seigneur Eraste, en quel état l'amour? En quel état vos feux? Plus fort de jour en jour. Et mon amour, plus fort. Pour Lucille, pour elle, certes, je l'avouerai, vous êtes le modèle d'une rare constance. Et votre fermeté doit être un rare exemple à la postérité. Pour moi, je suis peu fait à cet amour austère qui, dans les seuls regards, trouve à se satisfaire. Et je ne forme point d'assez beaux sentiments pour souffrir constamment les mauvais traitements. Enfin, quand j'aime bien, j'aime fort que l'on m'aime. Il est très naturel, et je suis bien de même. Le plus parfait objet dont je serais charmé n'aurait pas mes tributs, n'en étant point aimé. Lucille, cependant... Lucille, dans son âme, rend tout ce que je veux qu'elle rende à ma flamme. Vous êtes donc facile à contenter. Pas tant que vous pourriez penser. Je puis croire, pourtant, sans trop de vanité, que je suis en sa grâce. Moi, je sais que j'y tiens une assez bonne place. Ne vous abusez point, croyez-moi. Croyez-moi, ne laissez point duper vos yeux à trop de fois. Si j'osais vous montrer une preuve assurée que son cœur... Non, votre âme en serait altérée. Si je vous osais, moi, découvrir en secret... Mais je vous fâcherais et veux être discret. Vraiment, vous me poussez. Et contre mon envie, votre présomption veut que je l'humilie. Lisez. Ces mots sont doux. Vous connaissez la main? Oui, de Lucille. Eh bien, cet espoir si certain. Adieu, Seigneur Eraste. Il est fou, le bon sire. Où vient-il donc pour lui de voir le mot pour rire? Certes, il me surprend. Et j'ignore entre nous quel diable de mystère est caché là-dessous. Son valet vient, je pense. Oui, je le vois paraître. Feignons pour le jeter sur l'amour de son maître.